mêlant les genres avec jubilation, sans jamais perdre de sa rigueur de danseuse de formation chevillée au corps. Elle nous a définitivement quittés cette année à l'âge de 96 ans. Mon truc en plume, Zizi Jeanmaire. Mon truc en plume, plume des oiseaux, des animaux. Mon truc en plume, c'est très malin, rien dans les mains, tout dans le cou de rein. Rien qu'en passant, ça fouette le sang. Mon truc en plume, ça vous caresse avec ivresse, tout en finesse. Moi je vide ma plume et je plume le bitume. Et c'est au clair de la lune que j'allume les pieds roux. Oh, yeah. Mon truc en plume, plume de panthère, à milliardaire. Mon truc en plume, fut la chanson interprétée par Joël Prévost pour représenter la France en 1978 au concours Eurovision de la chanson. La finale avait lieu à Paris et 20 pays participaient. Le concours fut remporté par Israël avec la chanson Haba Nibi, interprétée par Izar, Cohen et The Alphabeta. Une belle troisième place pour la France. Il y aura toujours les violons, Joël Prévost. Tu peux bien changer de pays si tu n'aimes pas la pluie. Aller vivre au soleil d'Italie si tu veux. Tu peux bien changer de garçon si tu n'aimes pas ma chanson. Et si tu en as envie, fais même la révolution. Mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons d'amour. Mais il y aura toujours des chansons qui disent que c'est pour toujours. Mais il y aura toujours des amants pour se retrouver à Cherbourg. Mais il y aura toujours des enfants pour se jurer un grand amour. Tu peux bien t'habiller en jean, en pantalon, en smoking. Vivre comme un homme, être libre si tu veux. Tu peux bien dire que le mariage, ce n'est vraiment pas de ton âge. Je connais ce sentiment, pour toi la vie n'est qu'un voyage. Mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons. Gilio a toujours des chansons qui disent que c'est pour toujours. Mais Gilio a toujours des amants où se retrouver à Cherbourg. Mais Gilio a toujours des enfants pour se jurer un grand amour. Du groupe Comme John est inspiré de la chanson française des années 60 et de la pop anglaise. Du live au studio, on retrouve l'énergie et la douceur qui caractérisent ces deux brunes multi-instrumentalistes. Elles ont su, en plus de 250 concerts, implanter leur univers classico, déjanté, inclassable, raconté avec un savant mélange de poésie et de légèreté, leur histoire rétro-moderne à deux voix. Une pop soignée, l'ombre bienveillante de toutes les égéries de la nouvelle vague, des 60s, Barbara, la souplesse sensuelle et dansante des années 80 se retrouvent dans leurs compositions taillées pour toutes les scènes et tous les publics. Illusion, Comme John! J'ai marché dans tes rêves. Toute la nuit je ne m'en lasse pas, je sème, mais pas dans l'inconscient. Inconscient, tu achèves cette nuit murmurant, et puis tu te relèves dans l'air étourdissant. Da da da da da da da da da da da. Regarde à tes mensonges, à la fin tu te rends. Tu te rends et je plonge dans tes illusions qui fondent ton imagination. France est une chanson emblématique du patrimoine musical français et incontournable de l'œuvre de Charles Trenet. Écrite en 1943 pendant la Deuxième Guerre mondiale sous l'occupation allemande pour soutenir le moral des expatriés de force. Prisonnier de guerre, travailleur du STO, le service du travail obligatoire en Allemagne, elle ne sera enregistrée qu'en 1947. Charles Trenet évoque son enfance insouciante, le bonheur ressenti à cette époque, les années 20. Il décrit une France paisible et certainement idéalisée par ses souvenirs, pays auquel il est fortement attaché, que cela soit dans la joie ou la douleur. Cette chanson est une sorte de déclaration d'amour à la France. Douce France, Charles Trenet. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Big Flo et Oli font danser nos incertitudes et célèbrent l'été tant bien que mal avec cette nouvelle chanson « Coup de blues soleil ». Sur un titre dansant, aux sonorités électropop, les deux frangins abordent pourtant une thématique plutôt mélancolique. En collaboration avec Bon Entendeur, Big Flo et Oli nous expliquent les passages à vide et les angoisses de la vie quotidienne qui arrivent quand on les attend le moins. Faut-il savourer le moment présent ou doit-on se remettre en question ? Coup de blues soleil vient un point nommé pour rythmer l'été tout comme les crises existentielles, le confinement et le bonheur de la saison estivale. Coup de blues soleil, Big Flo et Oli. Coup de blues ou un coup de soleil ? Un coup de blues ou un coup de soleil ? Ok, ok, ok. Je sais, c'est l'été, il fait beau et chaud. Souvent dans ces moments là-bas, on la met très haut. Mais les angoisses ne dépendent pas de la météo. J'ai peur de pas avoir assez profité. C'est ce que les vieux me répètent tout le temps, mais au fond ça met la pression. Et c'est quand les discussions sont terminées que je trouve les meilleures questions. La vie est cruelle, ouais. La tartine tombe toujours sur le côté de la confiture. Faudrait que j'arrête, ouais. Et plus je veux arrêter, plus je continue. Des problèmes, j'en ai des tas, j'en ai des monticules. Comme un ordinateur qui se reconfigure. Combien de mots on laisse mourir sur les commissures. Et surtout nos plaisirs, combien on simule. Au fond c'est si dur. Mais pourquoi je pense à ça sur mon transat? J'suis peut-être trop honnête, j'crois. Je vais tremper mes problèmes dans le fond d'une citronnade, hey. Chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande. Faudrait que j'arrête. Dis-moi que je suis pas le seul. Une ambiance dans ma tête. C'est mes angoisses qui dansent, dansent, dansent, dansent, dansent. Faudrait que j'arrête. Dis-moi que je suis pas le seul. Une ambiance dans ma tête. C'est mes angoisses qui dansent, dansent, dansent, dansent, dansent. Au milieu de l'après-midi me viennent les questionnements que j'éterre dans la nuit. C'est quoi dans mon cocktail? Dis-moi, un petit parasol ou un parapluie? Est-ce que je suis fier de moi? Je crois, après le début vient le déclin. J'ai jamais su faire des choix, tu vois. Mais pas en faire, c'est comment faire un. Non, ça fait des mois que je fais plus de rencontres, à part des inconnus sur le trottoir de ma ville. Le temps file et je vois plus grand monde. Je veux pas tourner en rond dans mon cercle d'amis. Trop terre à terre pour une thérapie. Plus proche de Palavas que de Miami. Au milieu de ces gens, moi j'ai jamais su me placer. Je m'ennuie tellement, c'est le temps qui me regarde passer. Je déteste les esclaves des apparences. Je m'entête et puis j'entasse sur la balance. Les fresques des fantasques, pas la chance. Quand est-ce que nos angoisses prennent des vacances? Silence. Un jour j'aurai raison comme Galilée. Je vais aller prendre du sable sur la plage pour le remettre dans mon sablier. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande. Faudrait que j'arrête. Dis-moi que je suis pas le seul. Une ambiance dans ma tête. C'est mes angoisses qui dansent, dansent, dansent, dansent, dansent. Faudrait que j'arrête. Dis-moi que je suis pas le seul. Une ambiance dans ma tête. C'est mes angoisses qui dansent, dansent, dansent, dansent, dansent. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. Yolanda Gigliotti est née au Caire en 1933. Une famille italienne immigrée en Égypte, deux frères Orlando et Bruno. Elle semble se destiner à une carrière de secrétaire, mais elle se présente en cachette à des concours de beauté. En 1954, elle est élue Miss Égypte, mais Dalida rêve cependant de la France et le 24 décembre 1954, elle s'envole pour Paris. Les temps sont alors difficiles, le cinéma français n'a pas de place pour elle, alors elle apprend à chanter. Bruno Cocatrix vient de racheter un vieux cinéma parisien, l'Olympia, où il anime une émission de variété. Dalida est invitée à s'y produire, elle interprète « Étrangère au paradis ». Peu de temps après, elle enregistre Madonna, son premier 45 tours chez Barclay. Mais c'est avec Bambino que Dalida va s'imposer à un immense succès. Bambino, Dalida! Triste les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux.

En attendant, soyez heureux sur Radio Fadjet Nancy 94.2 pour les Lorrains qui nous écoutent sur la bande FM et sur le net radiofadjetnancy.net en ligne pour les autres Européens. Nous vous laissons en l'aimable compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Et comme disait mon papy... À dimanche prochain, 10h. Oh, et un bon an. Bonne semaine à tous, et surtout, portez-vous bien.